de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. C'est l'émission Hind à Brezhoneg, Tel Pemkan à Trégon-Héry. Ça va bien, c'est ça? 530? 530, voilà. Ça va, Henri? Oui, matré. On commence par Gerio Arvué. Oui. Alors, aujourd'hui, un adjectif très employé, moine. Moine qui veut dire mince, grêle, fin, étroit. Donc, qui existe également en gaélique, en gallois, en cornique. Hein, c'est une vieille racine celtique, hein, très employée. Par exemple, dans la chanson triguménaire de Spontivi, il y a un des trois tailleurs qui dit « Arroise la raison, ni bien, quand maradon me hove so moine ». Il disait, le petit disait à ses camarades, mon ventre est fin, mon ventre est mince. C'est-à-dire, j'ai encore faim, quoi. Pourtant, ils avaient mangé 18 crêpes chacun, donc ça devait commencer à les caler. Hein. Voilà. Et me hove so moine, c'est très employé, hein, de façon plaisante, pour dire j'ai faim, quoi. Voilà. Alors, des dérivés de moine, par exemple, moineart, c'est une personne mince, hein. C'est la même terminaison que crénarde, hein, un adolescent, hein. Voilà, alors moineard, hein, une personne mince. Il y a moinassen aussi, hein. Or voinassen, ce serait une personne trop maigre, hein, décharnée, hein. Voilà. Moindre de la minceur, hein. Voilà. Et donc c'est hervoindre, hein, la minceur, puisque c'est un mot féminin, donc il y a une mutation après l'article. Moinder qui est également la minceur, mais c'est un mot masculin, donc on dit moinder. Voilà. Hirvoindre, oui, hein, qui est assez amusant. Hirvoindre, c'est longiligne et lancé, quoi. Hirvoindre. Il y a un verbe aussi, hein, qui est le verbe moinat, mincir, hein. Voilà. Alors, pigmoine, c'est assez compliqué. C'est quelque chose qui est épais par endroit et mince par ailleurs, quoi. Qui n'est pas régulier, quoi. Pigmoine. Voilà. Moine, ça s'emploie dans beaucoup de cas. Par exemple, pour du tissu, on va dire lien moine, hein, du tissu fin. Voilà. Dourmoine aussi, ça c'est assez particulier, c'est la bile, hein, dourmoine. Voilà. Bouzelenvoine, c'est l'intestin grêle, hein, en anatomie. Voilà. Oui, le petit intestin, quoi. Oui, moine, mince, quoi. Ouais. Mince, oui. Voilà. Grêle veut dire mince aussi. Oui, c'est ça, oui, grêle, oui. Voilà. Alors, l'expression. Tout à l'heure, on parlait de moine et gauf, hein, ou gauf moine. Il y a aussi moine et iraire. Moine et iraire, ça veut dire il n'en mène pas large. C'est serrer les fesses en français, quoi. Hein. Voilà, moine et iraire. Hein. Moine et ialre, sa bourse est mince, hein, ça veut dire qu'il est fauché, en fait. Hein. Voilà, il n'a pas beaucoup d'argent. Hein, c'est la bourse plate en français. Hein. Voilà. Bévant moine, vivre chichement, hein. Oberkofigmoine, c'est se serrer la ceinture, hein. Voilà. Il y avait un dicton, enfin, qu'on trouve sous différentes formes, hein, qui dit Cove Bras au fond de Paris, Cove Moine au ton de Dier. Des gens qui voulaient aller faire fortune à Paris, quoi. Alors on se moquait d'eux parce qu'ils étaient grands en partant et maigres au retour, quoi. Voilà. Alors j'ai dit moinat, hein, le verbe moinat qui veut dire mincir, maigrir, hein. Moignon qui est un verbe assez voisin, mais qui veut dire restreindre, hein. Moignon drabenek, hein, voilà. Alors moine s'emploie aussi assez souvent pour des routes, hein, un yen moine, hein, une route très étroite, hein. Pas un épras. Un nekelen épras. Oui, je t'ai entendu ce matin. Oui. Avec un enpras. Non, un enmoine, hein, c'est donc une route mince, quoi, étroite. Hein. Alors, on peut dire, on peut C'est un adjectif qu'on peut doubler aussi, hein, ça se fait beaucoup en breton. Hein. Moine, très très mince. Hein. Voilà. Ça s'emploie aussi pour les doigts, bisionne moine. Hein. J'ai trouvé dans Jules Gros, bisionne moine, hein, des doigts très très fins, quoi. Hein. Voilà. Une jeune fille qui avait des doigts très très fins, quoi. Orvouise, alors pour la voix aussi, orvouise moine. Alors, voice one, hein, donc une voix féminine très très fluette là, voilà. Alors c'est un, on emploie aussi c'est un adjectif qu'on emploie aussi treut, hein, et qui veut dire plutôt maigre, quoi, hein, plutôt maigre. C'est plus péjoratif, treut. Oui, c'est différent, oui. Moine, il y a une idée de beauté quand même. Hein. Ouais, treut, c'est pas forcément très beau, quoi. On en reste là, Henri ? Eh ben, non, que je me moine. Allez, on passe à la seconde partie. Brezonec, tant ma tombe. Brezhoneg tant ma tombe avec Henri Lenaou, toujours dans Hentar Brezhoneg. Henri, qu'est-ce qu'on va voir dans Brezhoneg tant ma tombe aujourd'hui? Alors j'aime bien parler chaque année des noms des chevaux, puisque chaque année il y a une lettre différente. Et le cheval breton, c'est vraiment quelque chose d'important dans notre patrimoine, hein, patrimoine culturel, patrimoine biologique. Hein. Les chevaux bretons sont la race bretonne est née du croisement de ce qu'on appelait les bidets, hein, bidets en breton et de chevaux anglais qui sont les Norfolk, et c'est aujourd'hui la race de trait la plus représentée en France, hein. Et puis dans le pays ici, c'était vraiment ça fait vraiment partie de la culture, hein. Dans les Croireaux ici, il y avait beaucoup de chevaux et ils étaient très renommés. D'ailleurs, les marchands de Landerneau et Landivisio venaient chercher des chevaux ici. Hein. Il y avait dans les mariages autrefois, on chantait Tondeur Yezeg, hein. Tiezeg puru, tiezeg la ruon, ne nes que gwellor evite, peru pe melen pe pechoir, rinsomes gwar un douar. Et cet air-là a été repris par les clarinettistes, hein. Et est connu sous le nom de Tondeur Yezeg. Voilà. Alors chaque année, donc le nom des chevaux de trait commence par une lettre. Hein. L'année dernière c'était G, donc cette année ce sera la lettre H. Alors, j'ai cherché un petit peu des noms de... Alors, il n'y en a pas énormément en breton, hein, de mots qui commencent par H et qui conviendraient pour faire un nom de cheval. J'en ai trouvé quelques-uns. Bon, peut-être qu'il y a moyen d'en trouver d'autres. Il y en a un que j'ai trouvé intéressant, c'est Abasque. Abasque qui veut dire paisible, pacifique. Pour un cheval calme, là, c'est pas mal, hein, Abasque. H-A-B-A-S-K. Hein. Voilà. Harder, le semeur. Hein. Ça pourrait aller pour un étalon, par exemple. Par exemple. Hein. Voilà. OL qui est valeureux, c'est un nom de, c'est un prénom aussi, hein. Valeureux, généreux, voilà. Haller, H-A-L-E-R, c'est un cheval qui tire des péniches, hein. C'est la même racine que le halage, hein. Haller, H-A-L-E-R, hein, ça peut être pas mal. Hardy, avec un Z à la fin, hein, c'est un cheval audacieux, hein, voilà. Hardy, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Holland aussi. Holland, c'est le sel, hein. Et ça peut donner une petite pointe de sel à un nom de cheval, hein. Ce serait pas mal, ça. Hopper, c'est, Hopal, c'est crier, quoi, hein. Mais ce serait un cheval un peu enjoué, quoi, hein. Voilà. On peut dire Husher aussi, hein. H-U-C-H-E-R. Huchal, hein, c'est crié aussi. Hein. C'est huché en galop, c'est huché aussi. Hein. Voilà. Houarner, le forgeron, d'ailleurs c'est un nom de famille, hein, qui existe. Hein. Forgeron ou ferronnier, quoi. Hein. Quelqu'un qui travaille autour du fer, et puis bon, il y a beaucoup d'histoires autour du fer de cheval, hein. Du fer à cheval, hein, voilà. Une vraie, ce serait pas mal aussi. Une vraie, c'est le rêve. H-U-N-V-R-E. Et aussi, on pourrait utiliser une vraie heure, le rêveur. C'est joli. Voilà quelques mots, bon, qui peuvent être utilisés comme nom de chevaux. On en reste là? On va en rester là pour aujourd'hui. Et si des gens ont d'autres idées, hein, on peut toujours en trouver d'autres. C'est le moment de la troisième partie de l'émission La Gazette d'Henri Le Naou. Héri, Petras au Neve Avron. Un calzedro et veljus buervej diouzan. Krogom de diantan et velkis a custum gandorvu et war armes a velar bourdouar. L'art ve aliz et breiz bro en dour, bro ur glo. Plus dur, breiz zo ba cucho le brovrance, agar glo ta aliz de zentuzem. Mais de blâme, on est que guire tambet, peut dire, neveams, en ce que be calze dour, calze zour, pelarin mad, ag, banamzam. C'est tu, blâme, zo, orzer, ou pas de guan, peso, pesvec, guel d'alise, hein. Orzer, ou dis, clé, guel, de meuse, ou isel, un dour, l'en guerlé, dans me plaire, ne ce que douroir. Bon, ma treize, une taille, une dour, vech pelèquet, hein. Mais bon, moi, est un homme zéro en tuyine, hein, avec zéro de vos que d'où du stuvres. Bon, comme j'en vraiment un temps de ce l'arbre d'ouar. Drevras, or blase, au tramé, la dazé, et au béval, vide l'arbre d'ouar. Mais ma treizaine, vous gouez l'arbre blanc. Et vide sa verrien zout, sa verrien zoulès, puis la rinbat, half et bout de gouez l'arbre en temps. Qu'al se produire, rien lès, zo classe comme monde ou arzur, l'arbre d'ouar bio. À ma treizaine vie dernière, vous rendrez à votre, vie d'énormes genre de zones, mon ouartu, ouarzu, l'arbre d'ouar bio. Ouar mara de mort, zéblan, trop, mon entam gouelar, marément. Déjà, bah, bla, tramine, de, ouais, gouelar, bla, vie de, prige, ou vie de bla, roc. Ag, ma treizaine plus dur, zo, exemple de garde, qui mort, ouar arbitre, et vel, bah, brochil, zo, au goulen brasse, et vie de, rig mort. Un évêso et bédim bandet, disor ou, rien à bord boblance, mais je vais l'art de recensement, vidor blad ou vid perzek. Puis dur, on verra de gota son temps, ben garden disor ou. Ababro kreis breis, en meus au calze barougeau, un skol d'un temps, dernel le skresque d'un temps, das queer, kalak de skol d'un temps, kalak d'un vildo han din au chum. À une école d'un temps, restreint de école d'un temps, bah, restreint même se rend au mur en vitrine, mais colonne d'un temps, boulevrier avec son chôme, même se vaut, bah, quand même, y est un temps man, wardrobe, même se rend plusieurs zones, wardrobe 16 000 d'aines, puis ce n'est que calme, ça vit de tiers, quand même, hein. Ag, boblanz, graisse, trop wardrobe, evel, bah, plouvargor. Ma pouvoir avoir zo spen, pen mille d'une bénéfine, vos tiennes brasses, pouvoir avoir vel gwengam. Ah, bah, zan Nicolas, zo colle d'un tom. Tostor de som, zan y gouden, zo ram, de skresque d'un tom, plusieurs zo kan, perze gat trugen den, au chom, bah, zan y gouden, bah, purut zo père mûr, vite bah, zan y gouden, hein, à purut de skresque d'un tom, y vei, à spimeus der, kreski, Milo, en on est, quoi, spen, ouère, quand le dut, chum, bah, purut. Spen, terre, quoi, je mûre, vite, so, vraiment. Bah, mel, pissi, un, zo, col, d'un temps, bah, qu'un gris, mouel, ou, un temps, très mal, gagne, ce, cresque, de, street, dragon. Ya. Ag, meusant, zo, aïe, tu, del, ouas, de, chum. Bon. À l'ocarne, se disgresse, que, de, mad, hein, un temps, mad, et, Edouard, Rau. Bon. Boyen dit tient en place au changement de Babro Gwengam, plus dur Bromen et Bécrou de GP Tergoéja, puis GP 3, ZRF GP, Strolat Parouge au Hir à Lidan, de ce Inesvri, à Bétazanigou, de Nam, à Carnoët, hein. À de nos Visjenver ou à Mvod, bah Gwengam, hein. En voit tout de gusulérien, hein, zo spen perrug, un gusul, er bomen, vide, strolat parougeau, aug, un dra tient en voit d'ober, evel juste, hein, vel, dermad, ma provence, et diba, pour président. Vide, strolat parougeau, révélateur, d'or président dermad, hein, war regardor, ag, d'aubaud, war rink, hein, war vissant le mot, mer plog, un trier, avec Bernard Hamon, autre Homer, plus vagant. À Bénéfine, et Ed Hormaud, quand Vincent Horméo, avec Bon, Pemsegay, président de Zopédrang, avec nos Pévocombes de ce réseau Bavro, Zo Claudine Guyou, Boulevriac, Claude Lozard, Loyuc, Maire Loyuc, Alice Bouillot, Itron Vert, Escalac. Bon, zirai, calze dude, zirai, calze changement. Changement, zo, yvé, bro, la niscat, que dure interbarus laniscat zangelven a pere de zoet d'operonon. Hag han vede bon repos sur blavé, ou rank pus amour de l'art zin brezon de gain. Puis dure discuisma de war blave, mais un drame de que dis. Gougel, lui, j'ai l'art de bonheur et cuillem brezon de gain. Hag mers angelven Michel André, zo han avenmar de bavrou, zo bi han ven mer barous neve. Bon. Hag mamezmoun m'en bécond, ba mûr, pe dur mûr a zangwen, zo et sembles d'ober parous gerle dan. Hag zuroar, ba nam zor de zon, vo gwell et parous joel, o non lak et semblet, vid or parous o bras or. Gwell et vo, pe sa mout vo kond. E vichon mon tam, war dach en ur politikeres, Christian Troidec, meer Carrez, en eus displeg et en deel, onge, Irak 13, evit ur vot adegou, vo bamizme, evit kaout ur président neve war. Se me jontre, gard ur republik, me bon, neus ket aï, me neus ket kaven met un antar deus zinadur, yo, e ret kaven da gansi zo la borroaz, vid an brezant fe. A ye point dan, komon stos tal man me jontre da andra benekada. Bon, ba la ruen, vision mon tan bavro, am, zo bet o neba blavez yo zo, kalz ur aktresou e vin belajen zan an anton. Ur belajen zo bet dilesket an eus ket den betin o chanmela, hag setu oa bezarvet o neba bla yo zo ar gevridig ez mir ez zan an anton, evit or o sort de greizen zevenadur ba greizen zevenadur el ba zan anton. Ton. Hag bon, Benefin, oa et un trog de val, n'oan ketet bet apen. Hag prene oa bet un tir, tout un tir, zo bet prene gant strolat parouj ou kreiz breiz, ur CCKB. Hag ur stal kanab, oa bet dan stal yed enan, la chanvrier, met ur stal ze zo et vraiment de warag, hag bon e chom a di lusk de belajen. A Triblasso, vraiment, avec Red Trow, non. Évidemment, Orguel, zo hand, vez lieu mouvant. A vraiment, zo raktres, évidemment, bor bazan d'Anton, skolu, l'Orguel Edva, gal, institut du paysage. Raktres, zo zav, quand on a battu d'un drô de Jean Chalit, zo randa, noir de Bavro, un skrou, de lieu mouvant. Ag, raktres, zo, vos casse de ben, quand, gant ur gevridigez a gant ur CCKV. Dans mon tamm, vraiment, war a dach en zevela dur evro. Daou lasso, oa bet daou ugen lasso. Oa bet krou a de tientan skol di wan ma guit almeze. Or skol van me oa, gant pem bugel. A de houl se me jonj, oa ke be gret kalz e drouz gant ze, bon, den ben e jonj, je bet dispak de skol ze velment me waler. Gouskou de zezo bet vid breiz, or guir burzut, ka ma nivije ke bet diwan, oa anke pe sa mot, vije bet ed en trog vid an brezon da gain. Peu dur, waler zo bet ged kaz skolio gant diwan, hag waler zo bet krou et klasou diouyez, gant diouyez a gant diun, med a krou en zo bet stumadurio vid an brezon da gwid. Ils disent qu'ils présentent avec des lois d'Orient, non, non, Hermis, mais tout d'un trou, je suis au-deux de ce diwan bénéfine. À cet ubamis, mais, bon, j'ai vu d'un diabla, diabla, ce baguit almézé. À Wallet, bon, j'ai vu voir, bacal, ce blas, ouel, puis tu rasais au bon endroit, bouise, même stram. Bon, c'est-tu, oise, un DL ou abé de, j'ai vu. Je vis le cadre président Neve de Cusul Zevenadur Albrecht, un conseil culturel de Bretagne, de l'Arnim Galak, de l'Acadore président Neve, de la place Jean-Bernard Vigetti, à Bernes Rouge, au Béchois, j'ai vis le Bernes Rouge, au Randavenmard, un grand neuf raison de vie. Il y a une Bélabour, et de France Bleu Brésise, là-bas, FRTRI. Hag bon, j'en av un mat bavro an men. Bon, setu un tamm de spesso neve bavro, j'ebet de l'arandar tien an vegel, Dit Norvégel, Morgan Jebid. Kino Eri.